Donc, un compagnon ici présent va faire un petit exposé concernant l'œuvre d'Anton van Gogh. Il se suivra un débat libre, des questions, des réponses. Voilà, donc j'invite le compagnon à prendre la parole et à laisser son exposé. Donc, bonsoir, merci d'être venu. Donc, Anton van Gogh, voilà pourquoi faire un exposé sur lui ce soir. Moi, il m'a semblé extrêmement intéressant de découvrir ce penseur parce qu'il a contribué d'une manière très intéressante à la définition d'un organe important de la Révolution, à savoir les conseils ouvriers. Donc, il a donné dans son bouquin Les conseils ouvriers, donc ce bouquin-là en deux tomes, un cadre assez bien défini, des questionnements qui vont assez loin, quand même dans l'analyse. Et c'est cet auteur-là la pensée de cet auteur-là que j'aimerais vous présenter ce soir. Donc, avant d'entrer plus dans sa pensée, une rapide présentation de l'individu. Il est donc né en 1873 et décédé en 1960. Il a donc connu une partie de l'histoire assez large, et beaucoup de révolutions, beaucoup d'agitations notamment. Il y a pris une part active. Anton van Gogh était un astronome hollandais très connu, qui a une renommée internationale dans son domaine. Je crois même qu'un institut d'astronomie porte son nom en Hollande. C'est un scientifique réputé, qui a vu sa carrière d'ailleurs de scientifique entravée du fait de son activité politique, avec beaucoup de problèmes pour obtenir des droits d'enseigner à l'université, tout ce genre de choses. Et sa formation de scientifique se ressent profondément dans sa pensée. Il y a une manière d'analyser très, très rationnelle, mais en même temps, il essaye toujours de rendre cette pensée vivante. Donc il adhère assez tôt à la social-démocratie, mais très vite, dans ce mouvement social-démocrate hollandais, il se situe à sa gauche. Et notamment une première rupture intervient au début du XXe siècle, suite à des grèves où la partie gauche suit les grévistes, alors que la partie de droite, elle, a tendance à plutôt être en retrait. Intervient toute une période d'agitation. Il va en Allemagne, où il est censé enseigner dans une école de la social-démocratie à Berlin. La police refuse, il devient donc journaliste et propagandiste pour la social-démocratie allemande. Il soutient notamment en Allemagne tous les mouvements qui peuvent manifester une prise de conscience de la classe ouvrière et une action autonome de cette classe ouvrière, ce qui crée au sein du parti des dissensions, notamment des débats avec des personnalités éminentes comme Kautsky, qui était le grand leader de la social-démocratie allemande à l'époque. Arrive la guerre, lui se situe résolument du côté internationaliste, contre une grande partie de la social-démocratie allemande, qui elle va suivre la guerre et sombrer dans le nationalisme. Et il participe notamment, il me semble, c'était pas très clair dans la biographie que j'avais, à la fondation du KPD, mouvement communiste d'extrême gauche allemand, mouvement qui adhère à la Troisième Internationale, mais Anton van Gogh, lui, n'y reste pas très longtemps parce qu'il entre très vite en rupture avec notamment les conceptions léninistes du parti, à savoir dictature du parti sur la classe, encadrement des masses très rigoureux, aucune promotion de l'autonomie, et toutes ces conceptions-là. À la suite de ce départ à la Troisième Internationale, il participe à diverses revues extrémistes, notamment la revue Living Marxism, dont il existe une anthologie. Voilà celle-ci, qui se trouve encore en occasion et dont les textes se trouvent très facilement sur Internet. Donc ça, c'était grosso modo pour présenter très vite, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps sur sa vie et son engagement. Il écrit donc à la fin de sa vie, autour des années 40, ce livre-là, Les conseils ouvriers. Donc il se divise en 5 parties. Je me suis plus particulièrement attaché sur les deux premières, mais ces 5 parties sont extrêmement intéressantes. La première, la tâche, présente le projet de société de conseil ouvrier. La deuxième partie, la lutte, montre comment on peut accéder à ce projet-là. La troisième partie, qui se nomme « L'ennemi présente les diverses bourgeoisies et les principales idéologies promues par cette bourgeoisie, à savoir le nationalisme, la démocratie, le fascisme et le national-socialisme ». Ensuite, quelques considérations sur la guerre, notamment en Asie, avec la Chine, le Japon, et avec la paix qui vient d'être signée au moment où paraît ce bouquin, les perspectives d'avenir. Donc, j'ai plus ou moins laissé de côté le deuxième livre, qui est extrêmement intéressant, mais profondément ancré historiquement, pour me concentrer donc sur ces deux premières parties, qui, à mon avis, sont plus porteuses de sens aujourd'hui dans la période que l'on traverse. Donc, au début du bouquin, Pankok part du constat de l'inefficacité du capitalisme. Le chômage, les crises montrent le gaspillage qui est à l'œuvre dans ce type d'organisation. C'est aussi et surtout, il insiste beaucoup là-dessus, un système profondément injuste. Il se maintient grâce à l'exploitation d'une majorité de la population par une minorité. Cette majorité est maintenue dans un état de survie. Il y a donc, pour Pankok, une nécessité absolue de changer ce système. Et pour lui, ce changement émergera spontanément des luttes des ouvriers et sera le révélateur d'une élévation morale et intellectuelle de la population. Pankok présente donc ce qui sera, selon lui, la nouvelle société. Il présente celle-ci non comme une certitude, mais comme une évolution probable et souhaitable par rapport aux contraintes de l'époque. Il n'est pas enfermé dans un dogme ou une idéologie. Il essaye d'analyser les contraintes de son époque pour en dégager des tendances et des indications sur ce qui peut arriver. De plus, le système qu'il présente n'a pas vocation à être éternel. Il considère que l'histoire est pleine de changements et de surprises, et personne ne peut prétendre connaître avec certitude ce que sera l'avenir. Alors, dans cette nouvelle société, la production globale ne sera plus considérée comme la somme de production parcellaire, c'est-à-dire une usine qui produit un objet, une autre usine qui produit un autre objet, mais comme une unité. Ce système productif sera organisé globalement et non plus de manière éclatée. C'est-à-dire on ne va pas prendre unité par unité, mais vraiment chercher à englober tout ça dans un mouvement unitaire. Cette nouvelle organisation sera basée sur la communauté des travailleurs à la base. L'organe de base décisionnel sera le groupe de travail. Alors le groupe de travail, c'est par exemple la chaîne de montage dans l'usine. Ces divers groupes de travail se coordonneront au moyen de comités de délégués des divers ateliers, et ce de manière unitaire. Par exemple, dans la création de comités d'usine, les diverses chaînes de montage et les divers services qui permettent le fonctionnement de l'usine vont envoyer chacun des délégués à ce comité qui centralisera les discussions, et les délégués vont ensuite renvoyer le résultat des discussions au comité de base. Là, je cite Pankok, « L'importance des délégués ne vient pas de leur force personnelle, mais de celle de la communauté qui les a délégués. Le délégué, donc, qui va dans le comité, rapporte la position du groupe qu'il a mandaté, mais est aussi capable de discuter et de s'ouvrir aux autres idées qui vont lui présenter, afin de les rapporter à son groupe. C'est cette réunion de délégués qu'on va appeler les conseils ouvriers. Ces conseils ouvriers n'ont pas de pouvoir. Ils ne sont pas un gouvernement, mais la forme d'autogouvernement de la société. Les décisions qui y sont prises n'ont pas un caractère obligatoire. Il n'existe pas, dans la société que présente Pankok, de moyens de coercition pour obliger une partie de la population à obéir à ses conseils ouvriers. Les conseils ne gouvernent pas, là je le cite, ils transmettent les opinions, les intentions, la volonté des groupes de travail. Ils sont les organes de discussion et de communication sociale. L'organisation de la production par les travailleurs, je le cite toujours, repose sur la coopération libre, ni maître, ni serviteur. Donc là on voit vraiment le caractère anti-autoritaire de ce mode de société. Caractère anti-autoritaire qui a valu d'ailleurs à Pankok d'être qualifié d'anarcho-syndicaliste par les léninistes. Donc, le caractère unitaire du système productif que j'ai présenté au début exige la plus grande clarté dans son organisation. Tout ouvrier devra avoir accès à toutes les informations qui lui sera nécessaire pour prendre ses décisions. Il est donc fondamental que toutes les données comptables et sociales lui soient accessibles afin de favoriser cette prise de décision-là. Donc, pour préciser un peu plus ce mode d'organisation-là, on va la comparer un peu avec le système capitaliste qu'on connaît aujourd'hui. Dans le régime capitaliste, le gouvernement édicte les règles d'organisation sociale et les capitalistes organisent la production, donnent les ordres aux ouvriers. Il y a donc, dans ce cas-là, une séparation du politique et de l'économique. Le conseil ouvrier unifie ces deux composantes. Les ouvriers organisent la production, mais aussi administrent la société. Il n'y a pas de domination de l'un sur l'autre. Il n'existe plus non plus de séparation entre les décideurs et les exécutants. Le caractère unitaire du système productif et son caractère public éliminent de fait la division des tâches qui existe dans le système aujourd'hui. Chacun devant pouvoir savoir ce qui se passe ailleurs et donc avoir une vision globale de la société, il ne peut plus y avoir de caste de spécialistes qui dirigent et qui s'arrogent donc cette spécialisation en disant « moi je sais les choses mieux que vous, donc je peux vous commander ». Chacun étant censé est capable de savoir ce qui se passe effectivement. Là, je vais encore citer Pankuk. L'action est fondée sur l'expression et la connaissance du travail de tous, et elle influe fortement la vie de chacun. Donc chacun doit être capable de se situer correctement dans ce système productif. Enfin, la constitution même des conseils montre l'unité de ce système par opposition à la séparation qui règne dans le système capitaliste. Dans la démocratie parlementaire, par exemple, les députés sont élus pour 5 ans et agissent à leur guise durant cette période. De plus, ils représentent un ensemble d'individus complètement disparates, c'est-à-dire on va prendre une circonscription, et dans cette circonscription électorale, il va y avoir des bourgeois, des ouvriers, des agriculteurs, des instituteurs, tout un tas de gens qui sont pris comme individus en tant que tels. Les conseils ouvriers, eux, sont basés sur, d'abord, la responsabilité des décideurs, l'ouvrier est responsable de ses choix et de ses actes. Il n'y a personne au-dessus de lui qui peut le priver de cette décision-là. Et leur organisation, leur mode même d'organisation, correspond à une unité socialement existante et socialement observable, la production. Ce système est donc fondamentalement différent de l'ancien. Mais des objections sont apportées quant à sa possibilité de réalisation. Ces objections, quelles sont-elles ? On peut les classer en deux catégories. D'un côté, les objections capitalistes et de l'autre, les objections socialistes. Socialistes au sens de social-démocrate. Selon les capitalistes, le capitalisme est un phénomène naturel. Il est une nécessité d'organisation. Il est, pour eux, le mode d'organisation le plus parfait qui puisse exister. Pourquoi c'est le plus parfait ? Un, parce qu'il s'adapte parfaitement à une morale qui est juste pour eux. Morale récompense de l'effort, hiérarchie de la population. Pourquoi cette hiérarchie ? Parce que certains hommes sont plus aptes que d'autres, et ceux qui sont moins aptes et qui généralement ont une aversion pour le travail ont besoin d'être dirigés par les plus aptes. Et si ces gens moins aptes venaient à diriger la société et à se diriger eux-mêmes, ce serait le règne de la paresse et de la pauvreté, de l'oisiveté. D'après Pankuk, ces objections s'évanouiront d'elles-mêmes avec la classe capitaliste. Pour les socialistes, la centralisation et l'absence d'autonomie des masses est nécessaire car l'homme est par nature égoïste. Il faut donc qu'il soit soumis à un pouvoir qui lui soit supérieur, qui le guide dans la révolution et qui lui montre ce que doit être réellement sa tâche. Parce que l'individu, lui, ne peut pas s'en rendre compte par lui-même. Les sociodémocrates ajoutent qu'en plus, la centralisation de l'économie aux mains de quelques-uns est nécessaire afin d'organiser correctement cette économie. Sans centralisation, il va y avoir des gaspillages, il va y avoir aucune efficacité de la production. Donc pour garantir le bien-être de tous, il faut que tous se soumettent au pouvoir des décideurs. Bon, on voit bien ce que ce type de pensée a donné dans les pays dits socialistes au cours du XXe siècle. Ce qui se passait, c'est que des bureaucrates étaient maîtres de l'outil productif et propriétaires collectivement de cet outil productif. Et on pouvait, d'après Pankuk, dans ce cas-là, parler de capitalisme d'État, parce que ces bureaucrates-là vivaient du travail des ouvriers à qui ils prenaient une part du travail. Et Van Kuck constate aussi que ce socialisme, finalement, n'est pas tellement différent que ça de l'idéologie capitaliste, parce que il se base sur la même conception des ouvriers que l'idéologie capitaliste. Grosso modo, les ouvriers ne sont pas compétents à se gérer eux-mêmes et à être autonomes. Ils n'en ont pas la capacité. On voit donc profondément le rôle contre-révolutionnaire de la social-démocratie dans ses variantes, ici léninistes ou réformistes. La faculté d'auto-organisation des ouvriers nie avec force, et donc fondamentalement, cette social-démocratie tend à maintenir le système capitaliste. Et ce qui est un peu plus gênant, c'est que ces oppositions, on peut le constater tous les jours, émanent souvent des ouvriers eux-mêmes. Alors pourquoi les ouvriers tiennent de ces discours-là? C'est parce que, d'après Van Kuck, le capitalisme maintient sur la majorité des travailleurs une domination avant tout spirituelle. Par la propagande, la bourgeoisie a réussi à faire croire que ses valeurs, son mode d'organisation, étaient totalement immuables et nécessaires. C'est pour ça que Van Kuck dit cette phrase extrêmement importante: la révolution ouvrière sera une victoire de l'esprit. Alors, donc cette société-là, une fois présentée, comment on va y accéder? Quels sont les moyens qui vont permettre aux ouvriers de changer l'ancienne société pour en instaurer une nouvelle? Alors, Anton Van Kuck précise qu'il n'est pas catégorique sur cette question. En effet, pour lui, la lutte des classes correspond à un moment donné de l'histoire et elle est profondément enracinée dans la société telle qu'elle existe sur le moment. Et ses formes dépendent donc des contraintes de l'époque. Il ne peut donc exister ni de recettes miracles, ni de dogmes qui permettent de connaître la marche à suivre de manière certaine. Cependant, il pense que l'étude de l'histoire des sciences de la société peut permettre de prendre conscience de certains faits qui se produiront de manière pas certaine mais presque, et de tracer les grandes lignes directrices de la révolution. Alors, c'est ce à quoi il s'emploie dans la deuxième partie de ce livre. Il va donc faire une historique du mouvement ouvrier et de ses formes de lutte. Il analyse tout d'abord ce qu'on peut considérer comme la première organisation de lutte du prolétariat, le syndicat. Au début du capitalisme, l'ouvrier était totalement isolé face au patron. La pression sur lui était extrêmement forte, il avait des salaires de misère, et il était dans une dépendance totale par rapport à son patron. Son seul moyen de lutte, quasiment, c'était la grève, et qui le mettait, dès qu'il était en grève, en situation fortement précaire. Donc, les ouvriers ont commencé à organiser des collectes de manière spontanée afin de compenser les pertes de revenus des ouvriers en grève. Ces collectes, au fur et à mesure, se sont instituées, entre guillemets, en syndicats qui, après des luttes extrêmement dures, ont réussi à obtenir une existence légale et des droits pour la lutte des ouvriers. Cette existence légale, une fois reconnue, ils ont pu faire croître et intensifier les luttes et obtenir des victoires extrêmement intéressantes. Mais Van Kuck remarque que ces luttes ont eu une conséquence qui n'était pas voulue au départ, c'est qu'elles ont eu pour conséquence la normalisation du capitalisme. Les luttes victorieuses sur les salaires et les conditions de travail ont permis de lisser les différences qui existaient entre les différentes entreprises, tant au niveau des conditions que des salaires, donc permis l'émergence d'une concurrence entre guillemets plus juste, et ont contribué à la baisse des tensions entre ouvriers et employeurs. L'ouvrier mieux payé va moins facilement se mettre en grève que l'ouvrier qui, lui, n'a quasiment rien et donc est obligé de se défendre. Et donc, cette normalisation-là a permis un meilleur fonctionnement du capitalisme, finalement. Et cette normalisation, entre guillemets, syndicaliste, a contribué à la croissance du capitalisme. Et là, le capitalisme croissant, les industries devenant grandes et le patronat s'organisant, les rapports de force ont commencé à s'inverser. Les patrons plus riches et donc mieux organisés, par exemple en syndicats patronaux, ont su beaucoup mieux résister aux luttes et ont pu recommencer à croître l'exploitation en imposant des salaires plus bas et de plus grandes heures de travail. Les syndicats ont commencé à mener des luttes dures, ont vu qu'ils commençaient à perdre, que ça leur vidait les caisses. Ils ont donc commencé au fur et à mesure à refuser ces luttes dures qui mettaient en péril leur organisation. et sont donc retrouvés réduits à négocier non pas une amélioration des conditions de travail, mais à négocier la plus petite reculade possible. Et surtout, ils se sont retrouvés, vu que c'est eux qui avaient négocié ça, à devoir faire accepter aux ouvriers ces reculades-là. Et les ouvriers, considérant que les syndicats étaient une organisation qui leur appartenait, avaient quand même plutôt tendance à accepter ça, même s'ils n'étaient pas extrêmement contents de la situation. Et donc on se rend compte là, et Pankok remarque que le syndicat est donc devenu un outil indispensable à la bonne marche du capitalisme. Il lui permet de fonctionner correctement sans accroc, en fait. Et cette évolution-là du rôle des syndicats s'est en plus accompagnée d'une bureaucratisation des syndicats qui sont devenus complètement pyramidaux, avec une armée de permanents, de décideurs, qui imposent à la base des actes et des décisions. Et la base qui, elle, une fois tous les deux ans ou tous les cinq ans, est consultée pour choisir des chefs qui, très souvent, sont toujours les mêmes. C'est devenu une sorte de démocratie parlementaire tout à fait classique. Mais le capitalisme, continuant sa croissance, et d'après Pankok, cette croissance étant limitée, il connaît de plus en plus de crises. Les syndicats n'assumant plus leur rôle dans cette situation, les ouvriers, eux, vivant la crise de plein fouet, sont obligés de lutter afin de pouvoir survivre et de pouvoir réduire la pression qui est mise sur eux. On assiste donc au développement de l'action directe, et notamment, phénomène principal pour Pankok de l'action directe, les grèves sauvages. Donc les grèves sauvages, ce sont des grèves qui sont déclarées en dehors de tout encadrement syndical. Les syndicats en sont absents. Ils essayent quelquefois de reprendre le coche, mais globalement, ils n'ont pas de prise sur la grève sauvage. Cette grève, les syndicats étant absents, est donc auto-organisée. Tout émane de la base. La décision comme l'action. Il n'y a pas une direction syndicale qui prend les décisions et des ouvriers qui agissent en conséquence. Les ouvriers sont donc et décideurs et acteurs. Ils se coordonnent au moyen de comités de grève. Ces comités de grève n'ont pas de pouvoir direct. Ils servent surtout à coordonner et à donner une unité de direction et de but à la grève. On y assiste à une rotation des mandats et à des délégués révocables à tout moment. Les groupes de grévistes donc envoient des délégués, ceux-ci discutent et délibèrent. Ils représentent l'opinion et la volonté des groupes de base qui les y ont envoyés. On remarque que ces comités de grève sont la préfiguration des conseils ouvriers qui existent par la suite. Cette organisation-là étant posée, le but de cette grève autonome est de s'étendre, parce que la crise touchant tout le monde, il est absolument nécessaire qu'il y ait une réaction croissante et forte face à la crise, de manière à lutter contre l'oppression capitaliste. Ce mouvement se constituant, Anton Pankok remarque qu'on assiste à un changement de mentalité dans les ouvriers qui entrent dans la lutte. De la passivité et du, entre guillemets, moutonnage qui existait dans les ouvriers qui suivaient les consignes syndicales, on assiste à l'activité et à la responsabilisation des ouvriers. Ils se posent eux-mêmes en acteurs principaux de leur lutte. Ils constatent aussi que c'est la fin de la division artificielle des travailleurs entre différentes tendances syndicales et politiques. Le caractère spontané oblige à s'organiser sur des bases locales et unitaires. C'est le début de ce que Pankok appelle la communauté réelle, l'usine. C'est la fin de la séparation en corps de métier. Chacun, dans son, même s'il a un métier différent, est au même niveau que son camarade de lutte. Alors, cette rupture avec les grèves syndicales, Anton Pankok précise bien que ce n'est pas un passage brutal d'un stade à un autre. Souvent, les ouvriers, étant déçus par leur syndicat, au cours de grèves autonomes, il est arrivé qu'ils créent de nouveaux syndicats, pensant que la forme syndicale était bonne, que c'était juste les dirigeants qui étaient corrompus. Historiquement, on a vu que ces syndicats créés sur ces bases-là connaissaient la même histoire que leurs ancêtres. Cependant, il observe qu'il peut exister une phase transitoire où un syndicat, alors il faut savoir, j'ai oublié de le préciser, que les syndicats dont il parle là sont plutôt des syndicats du modèle anglo-saxon, qui n'ont rien à voir avec la CGT révolutionnaire du début du XXe siècle en France, par exemple. Anton Pankok décide, enfin, pense que dans une phase qu'on pourrait qualifier de transitoire, un syndicat peut très bien, sans diriger la lutte, apporter une expérience et une aide. C'est le cas, par exemple, il prend l'exemple des IWW aux États-Unis, qui essayaient de favoriser l'émergence de luttes autonomes aux États-Unis, et surtout qui ne dirigeaient pas ces luttes. Ils essayaient de favoriser l'auto-organisation des ouvriers. Donc ça, c'est pour l'action directe. Il remarque une évolution, une forme de radicalisation de cette action directe, c'est ce qu'on appelle l'occupation d'usine. Donc, l'occupation d'usine, ou grève sur le tas, a commencé de manière, un peu, pas anodine, mais presque, c'est suite à la crise, les ouvriers se sont rendus compte que quand ils partaient en grève de leur usine pour aller manifester ou pour rentrer chez eux parce qu'ils étaient en grève, le patron, vu que c'était la crise, trouvait très facilement des ouvriers pour les remplacer et les faire travailler à leur place. Donc, ils ont décidé de rester dans les usines afin de ne pas perdre leur emploi. C'est une forme de lutte extrêmement dure, cette occupation d'usine, parce que le patron considère que c'est une atteinte à son droit de propriété, au droit bourgeois de la propriété. Anton Pankin précise bien qu'on n'en est pas encore à l'expropriation, parce que l'occupation d'usine n'a qu'une durée limitée. C'est une suspension du droit bourgeois du patron de propriété sur l'usine. Mais il constate que si cette forme de lutte part de préoccupations assez terre-à-terre, entre guillemets, elle permet l'émergence d'un sentiment encore plus grand d'unité au sein des travailleurs. Dans ce cas, l'usine est pour les ouvriers, ils se rendent compte à ce moment-là que l'usine est un organe qui ne fonctionne que par leur travail. Ce n'est pas la propriété d'un homme qui les embauche pour venir travailler et à qui ils vendent leur force de travail. L'usine est un outil de production que eux-mêmes font fonctionner sans l'aide du patron. Donc, émergence de la possibilité d'une autogestion dans l'occupation d'usine. Ensuite, une troisième forme de lutte, qui pour Pankuk est extrêmement importante, c'est la grève politique. Alors, la grève politique, c'est une grève massive de la quasi-totalité des ouvriers d'une région ou d'un pays, afin d'obtenir des droits politiques, ou de lutter contre une déclaration de guerre, ou de lutter contre l'instauration d'une loi. Il prend par exemple une grève politique qui a eu lieu en Belgique à la fin du 19e siècle, pour le droit de vote. En Belgique, à l'époque, c'était un suffrage censitaire très dur, où seuls les grands bourgeois pouvaient voter, et donc le gouvernement était constitué de personnes extrêmement réactionnaires. Ils ont fait cette grève très dure, ils ont réussi à rallier à eux une partie de la bourgeoisie progressiste, qui, elle, voyait bien que le système ne pouvait pas continuer ainsi et qu'il fallait donner aux ouvriers une certaine liberté. Donc, cette forme de lutte extrêmement dure ne réussit, d'après Pankuk, paradoxalement, que quand le capitalisme est fort, parce qu'il est capable de se transformer afin de réussir à réintégrer les ouvriers dans son système. Parce qu'il sort renforcé de ces luttes-là. L'exemple de la grève pour le droit de vote en Belgique est assez significatif. En accordant le droit de vote aux ouvriers, le capitalisme met les ouvriers sur un pied d'égalité avec les bourgeois et leur dit « Regardez, nous vivons dans une société magnifique où vous êtes complètement libres et vous avez les mêmes droits que les patrons. Donc notre système est très bon. Vous n'avez pas de raison de vous révolter contre ça. » Elles permettent aussi au capitalisme donc de se modifier d'une certaine manière. Après cette forme de lutte extrêmement dure, il arrive des fois que le capitalisme n'y trouve pas son compte, n'ait pas envie d'accéder aux demandes des ouvriers. C'est l'exemple de la Russie en 1905, où le gouvernement a procédé à quelques rapiessages très rapides de ses institutions, mais voulant s'arrêter là, a réprimé avec beaucoup de force le mouvement, par exemple en déportant certains révolutionnaires de l'époque. Mais malgré les défaites qui sont très très très fréquentes dans ce mode de lutte, d'après Pankuk, elle montre l'accroissement de l'unité de la classe. Parce que la classe ouvrière, dans ce cas-là, la classe ouvrière, tout ensemble, marche vers un même but. Elle affronte tout un tas de problèmes, notamment les organisations ouvrières qui très souvent luttent contre ce mode d'action. Beaucoup d'ouvriers ont demandé, par exemple, en 1914, des déclenchements de grève afin de lutter contre la guerre. Les organisations n'ont pas voulu, parce que pour elles, c'était se mettre en danger que de lutter contre la guerre, et elles risquaient de disparaître. Mais cette disparition des organisations, pour Pankuk, est absolument anecdotique, parce que ces grèves-là représentent vraiment une avancée importante dans l'esprit des travailleurs, qui leur permet de clarifier leur but et leur esprit de solidarité, et de tester leur combativité face au système. Mais il arrive aussi, quelquefois, que ces grèves politiques mettent le gouvernement dans une position de réel recul. Et plus le gouvernement recule, plus il montre, à ce moment-là, ce qu'il est réellement, à savoir une minorité qui use de répression pour maintenir son pouvoir sur une majorité, et non pas une institution légitime qui représenterait l'ensemble de la population. Le gouvernement perd sa puissance. L'armée lui répond de moins en moins bien, on assiste à des scènes de fraternisation entre les soldats et les ouvriers, c'est arrivé dans plusieurs cas, et là commence à arriver le réel danger pour le gouvernement. Mais ce type d'action nécessite de la part des ouvriers une très grande clarté et l'évolution des buts que les ouvriers se fixent. Parce qu'une fois qu'ils ont gagné, par exemple, leur droit de vote, s'ils rentrent chez eux, le capitalisme fonctionne mieux et ça n'aura finalement pas servi à améliorer durablement la situation des ouvriers, à savoir à faire la révolution. Un exemple de cette situation-là que prend Anton Pankuk, c'est la révolution russe. Donc la révolution russe, lui, considère que quelque part elle s'étend de 1905 à 1917 ou 21. 1905, c'est pour lui un moment absolument important dans les luttes ouvrières, parce que c'est l'apparition de nouvelles formes de lutte et le développement massif de nouvelles formes de lutte, à savoir les grèves politiques et les soviets, ou conseils ouvriers. Donc ce mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure, a été fortement réprimé. Et en 1917, la situation est une situation de guerre, une situation d'absolutisme, et famine d'une partie de la population. Le capitalisme, en plus en Russie, était très faible. Et ça, c'est pour Pankuk une donnée extrêmement importante. Les ouvriers donc se rebellent, s'organisent en conseil, mettent à bas le gouvernement, mettent à bas un deuxième gouvernement, et finalement réussissent à prendre le pouvoir. Mais, alors c'est là que, pour Anton Pankuk, le niveau de développement du capitalisme est très important. La faiblesse du développement du capitalisme en Russie, à savoir qu'il n'y avait pas ces grandes armées d'ouvriers, ces grandes usines, et il n'y avait pas un nombre d'ouvriers suffisamment important dans la population, a entraîné chez les ouvriers un manque de clarté au niveau des objectifs. Les ouvriers ont abandonné l'autonomie qu'ils avaient réussi à conquérir aux bolcheviks, qui leur ont dit « si vous ne nous donnez pas le pouvoir », grosso modo, hein, je simplifie, mais si vous ne nous donnez pas le pouvoir, ça va être la défaite de la révolution, la guerre va continuer, et il nous faut, nous, organiser la production pour que tout reparte et pour qu'on réussisse à arrêter la guerre. Grosso modo, hein. Ça mériterait un développement plus grand, mais là, c'est pas l'objet de ce soir. On a donc assisté à l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, qui organisent de manière militaire la production et la société, qui instaure la dictature du parti bolchevique, et qui instaure un système où la bureaucratie est le propriétaire unique des moyens de production. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté à un développement du capitalisme, alors d'accord capitalisme d'État, pas un capitalisme à l'occidental, mais quand même au développement du capitalisme avec l'organisation de grandes unités de production et de grandes usines. Et finalement, Pankuk considère que cette révolution russe est un type particulier de révolution bourgeoise. Elle a permis la croissance du capitalisme. Donc, en partant d'une envie révolutionnaire chez les ouvriers, d'une envie de révolution prolétarienne affirmée, le manque de clarté a conduit finalement à une révolution bourgeoise. Et cette révolution russe a eu une conséquence autre, c'est-à-dire que suite à l'effondrement du mouvement ouvrier de 1914, dont on a parlé, qu'on a évoqué très vite tout à l'heure, les bolcheviks ont constitué l'exemple à suivre pour les révolutionnaires. Ils ont dit, nous on a réussi notre révolution, suivez notre exemple, utilisez nos méthodes, et vous allez voir, vous allez gagner vous aussi. Le problème, c'est qu'ils masquaient la situation réelle dans leur pays, à savoir une exploitation extrême des ouvriers dans leur pays, une dictature extrêmement forte, en faisant croire que c'était le paradis communiste et que tout fonctionnait très bien. Ils ont donc usé de propagande, d'intimidation pour garantir leur hégémonie sur le mouvement. L'histoire de la Troisième Internationale à ce niveau-là est assez intéressante. Et ils ont imposé leur méthode au mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire direction centralisée du mouvement, dictature du parti qui est censé représenter la classe ouvrière, importance des luttes de libération nationale avec tout ce que ça peut comporter d'interclassisme et de déviation à ce niveau-là, etc., etc. Et cette attitude, finalement, a déshabitué la classe ouvrière à l'autonomie et, pour Pankuk, a été un des éléments fondamentaux de l'avènement du fascisme. Vu que la classe ouvrière était extrêmement faible, elle n'a pas pu lutter contre cet avènement du fascisme. Donc, une fois cet exemple-là posé, Anton Pankuk se demande qu'est-ce que peut être la réelle révolution des travailleurs, qui ne soit pas une révolution qui dégénère comme la révolution russe. Il pose d'abord des conditions. D'après lui, les travailleurs ne deviennent combatifs que dans les situations de crise. En effet, en temps normal, la propagande fait que l'ouvrier se satisfait de son sort et de son confort. Il n'est pas poussé à agir par la nécessité, et l'endoctrinement du capitalisme fonctionne à plein. Cependant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le capitalisme a une limite. Il prend cet exemple de dire que la Terre est ronde, elle a donc des limites géographiques, et en plus de ça, démographiquement, il y a aussi une limite. La population à servir pour le capitalisme est limitée. Et le capitalisme a besoin de cette croissance pour exister, a besoin de servir toujours de plus en plus. Cependant, plus le capitalisme approche de cette fin, plus il connaît de crises. Et les crises sont de plus en plus dures. Et lors de ces périodes de crise, cet esprit de soumission, pour les ouvriers, ne leur permet plus de vivre. Ils sont donc obligés de se révolter. Il devient absolument nécessaire de se battre. Et instinctivement, pour Pankuk, les ouvriers sentent qu'ils vont devoir être unis et organisés. On assiste donc à ce moment-là à un développement d'une forme de sentiment communautaire au sein des ouvriers, de sentiment de classe. Ce qui se joue d'après lui, à ce moment-là, c'est la fusion de l'individualisme et de ce sentiment communautaire en une unité supérieure. L'individu, dans ces moments de crise, commence à se mettre au service de la communauté, car, et je le cite encore une fois, il atteint une nouvelle perception de la vie qui s'appuie sur la compréhension du fait que la société est la source de l'être humain tout entier. Donc il commence vraiment à prendre les problèmes d'une manière globale. Il considère que l'individualisme, dans ce cas-là, trouve à se réaliser autrement que dans la simple envie d'asservir l'autre. Mais l'individualisme peut se réaliser justement dans cette communauté qui se crée avec l'autre. Mais il constate aussi, Pankuk, que ce sentiment communautaire-là et l'organisation autonome du prolétariat ne suffisent pas à affaiblir le capitalisme. Il insiste encore une fois sur l'importance de la domination spirituelle du capitalisme. Et là, je reprends la phrase que j'ai citée tout à l'heure, la révolution ouvrière sera une victoire de l'esprit. Parce que, donc, une majorité est soumise à une minorité grâce à la propagande. Mais malgré cette propagande et ces vieilles idées qui sont assénées aux ouvriers et qui tentent tant bien que mal de les maintenir dans cet état de domination, les crises poursuivent la route et sont de plus en plus inévitables. Et arrive donc, pour Pankuk, un moment où la digue va se briser, où les actions autonomes des masses vont déferler dans la société et commencer réellement à ébranler le système. L'ouvrier, à ce moment-là, découvre ses capacités et ses besoins d'unité, et surtout, non seulement d'unité, mais de connaissance. On assiste alors à une phrase qui, pour Pankuk, est absolument fondamentale, c'est ce qu'il appelle l'auto-éducation. Pankuk pense qu'il ne sert à rien de suivre les livres et les doctrinaires, mais il faut s'inspirer de l'expérience du passé et des expériences anciennes du mouvement ouvrier, afin de trouver une solution adaptée au temps actuel. Il est absolument persuadé que les ouvriers sont capables d'analyse et de créativité dans leur mouvement. Au contraire des léninistes qui, eux, pensaient que les ouvriers sans l'encadrement d'une avant-garde ne pouvaient pas dépasser le stade du gentil syndicat qui lutte pour des améliorations de salaire. Ce qu'il appelait le trait d'unionisme. Pankuk aussi constate la nécessité la plus absolue de la liberté de discussion, de parole et d'opinion, afin de garantir l'accès aux connaissances dont il a montré dans la première partie qu'elles étaient absolument nécessaires justement à l'émergence de ce sentiment d'unité, de ce sentiment d'appartenance à une communauté humaine. Cette liberté de discussion est pour Pankuk valable pour l'ennemi, parce que l'ouvrier, en se confrontant aux idées de la bourgeoisie, affermira ses propres idées. Et donc, dans le contexte des conseils, l'unité de but ne pourra être atteinte que par la discussion de vues divergentes. Il faut donc que chacun discute dans tous les sens, se confronte, débatte, afin de faire émerger réellement des formes d'organisation et d'action pertinentes. C'est dans ce contexte-là que Pankuk situe le rôle des mouvements révolutionnaires. Pour lui, les partis politiques, entre guillemets, viendront éclairer les discussions, donner forme et poser des cadres de discussion. Ensuite, ce mouvement-là, donc, dont on vient de présenter quelque part les conditions d'émergence, ce mouvement-là, pour lui, suit dans sa globalité un type de développement assez prévisible. Les capitalistes sont les propriétaires des moyens de production et sont les maîtres des esprits. C'est leur puissance. Ils ont construit leur domination sur leur propre confiance, en leur capacité, en leurs valeurs. Ces valeurs, ce sont la compétition, l'individualisme, l'effort, etc., etc. Vous les connaissez dans leurs grandes lignes. Et en plus de ça, les capitalistes disposent de l'organisation d'État, qui est une machine extrêmement puissante du fait de son pouvoir de répression, et surtout de l'idée qui est enracinée dans la tête des masses de son absolue nécessité. Les ouvriers, eux, leur arme, de leur côté, ce sont les machines. Ils sont les maîtres réels des machines, c'est eux qui les font fonctionner. Pankuk dit « Toute la société repose sur leur travail, repose sur le travail des ouvriers ». Les ouvriers doivent donc développer leur conscience de classe afin de se rendre compte de la puissance dont ils disposent au travers de cette maîtrise des machines. Cette conscience de classe se développera pour lui par la lutte et le travail, dans la réalité vécue quotidiennement et pas dans les vieilles idées bourgeoises ou dans les idées social-démocrates. Il y a vraiment nécessité de la lutte pour que se développe cet état d'esprit. Il y a aussi la nécessité donc de l'organisation pour créer cette unité, l'unité de but et d'action qui est absolument nécessaire. La minorité organisée, que constitue le gouvernement, ne pourra être vaincue que par la majorité, elle aussi organisée. Donc, facteur important aussi, et là on revient à l'exemple de la révolution russe, pour lui, c'est le niveau de développement du capitalisme. Plus le capitalisme est développé, plus les ouvriers seront nombreux, et plus la volonté d'organisation sera forte. Pour Pankuk, la lutte, une fois ces conditions réunies, sera extrêmement longue, avec des avancées, des reculs. Il faut, d'après lui, ces phases de recul en profiter pour permettre la propagande et le développement de l'esprit de classe. Ça doit être des phases d'agitation, pour lui, et de diffusion d'idées massives. Il insiste aussi sur la focalisation sur la lutte armée. Pour lui, l'arme principale du prolétariat, c'est la maîtrise des moyens de production. C'est eux qui déterminent la puissance du capitalisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les usines que les ouvriers contrôlent, par exemple, produisent des armes. Si les ouvriers arrivent à contrôler la production d'armes, ils peuvent affaiblir le capitalisme en détournant cette production. D'autres exemples comme ça, on peut en trouver un certain nombre. Face à une classe ouvrière bien organisée sur d'elle, pour Pankuk, le pouvoir répressif sera soit dépassé par le nombre, soit verra sa force diminuée par la fraternisation des éléments ouvriers que le pouvoir répressif contient. Parce que on a deux cas, soit une armée professionnelle, comme c'est le cas aujourd'hui en France, soit une armée avec énormément d'appelés, et ces appelés-là sont très souvent ouvriers. Ils auront donc beaucoup de mal à tirer sur les gens qui sont finalement comme eux. On a assisté à des scènes de fraternisation, par exemple en Russie, en 1917. Lorsque le gouvernement sera... Non, la lutte entre les deux classes se fait entre deux classes à ce moment-là cohérentes, qui chacune a une idéologie bien affirmée et une organisation forte. Elle ne se gagnera pas immédiatement. Et les ouvriers étant plus nombreux et organisés et puissants réussiront au bout d'un moment à faire reculer le gouvernement, à détruire petit à petit les institutions capitalistes. Il y en aura toujours des restes qui se battront, qui essaieront d'entraver le développement de cette révolution. Mais Pankok pense que ces restes-là vont dépérir. Mais il s'agit de ne pas perdre de vue non plus l'objectif de la révolution et l'objectif d'autonomie. Parce qu'on a vu par exemple en Allemagne, où des conseils ouvriers ont été instaurés, et où finalement le Parti social-démocrate a réussi à dire « Rentrez chez vous, on est au gouvernement, vous allez voir, tout va changer. » Donc toujours, là on en revient à ce qu'on disait sur les grèves politiques, garder l'objectif en tête. Lorsque le gouvernement sera complètement paralysé, qu'il ne pourra plus assurer ses tâches d'administration, ce seront aux travailleurs d'assurer la continuité de la vie sociale. Il sera donc absolument indispensable à ce moment-là d'assurer la production, par exemple. C'est-à-dire la grève à un moment donné devra s'arrêter et le travail devra reprendre, tout simplement par exemple pour éviter la famine. Il faut que les gens aient de quoi se nourrir. D'où la constitution des conseils et leur organisation en fédération de conseils. Donc voilà grosso modo ce qui est contenu dans ces deux livres. On voit donc une pensée quand même, moi je pense, intéressante parce que enracinée, qui essaye toujours de se remettre en contact avec la réalité sociale. Bon. D'un point de vue anarcho-syndicaliste, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, on peut considérer qu'il y a quand même un fort... Enfin, cette pensée est fortement imprégnée de marxisme et de cette théorie du matérialisme historique qui, à mon avis, a pu montrer des limites. Bon, là, je renverrai à des critiques qui ont été effectuées par certains auteurs, dont, par exemple... Cornelius Castoriadis, dont on a déjà parlé lors d'une conférence, qui a effectué une critique de Marx qui, à mon avis, est extrêmement intéressante, notamment tout ce côté un peu mécaniste du mouvement révolutionnaire, peut à un moment donné déranger. Après, nous, en tant qu'anarcho-syndicalistes, on sera tout à fait d'accord avec la nécessité absolue de l'autonomie du prolétariat et de l'absence de hiérarchie. Dans cette organisation-là. Elle nous correspond tout à fait et elle fait partie de ce que nous, on promeut. Après, là où aussi il y a un petit souci, et je pense que ça va permettre de lancer le débat, c'est le rôle des révolutionnaires dans ce processus-là. Anton Pankok, lui, cantonne les révolutionnaires à un rôle de débatteur et de producteur d'idées. À un moment donné, et là, la correspondance qu'il a eue avec Castoriadis est assez intéressante à ce niveau-là. Castoriadis lui a remarqué que si les révolutionnaires honnêtes, eux, ne vont pas chercher à prendre le pouvoir sur les conseils, il existera encore des organisations de type léniniste qui, elles, vont chercher à diriger. Et se pose à ce moment-là la question des moyens d'empêcher ces individus-là de nuire au mouvement et des moyens de réussir à garder l'autonomie de ce mouvement-là. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais dire sur la question. Introduction. Voilà. La parole est au public.